froid par nature, que par son allure, ne prête que peu d'attention aux gens à leurs conditions. On lui a souvent reproché, peut-être en a-t-il blessé, a souvent voulu changer sans jamais vraiment se l'avouer. On le dit indifférent, mais l'est-il réellement? On le sent distant, qu'en est-il vraiment? On le dit indifférent, mais l'est-il réellement? On le sent distant, mais l'est-il vraiment? Sûrement pour ne plus vivre dans le tourment.